bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô, bienvenue dans ce Lobster 178.0. Quoi de neuf, docteur? Moi, tout va bien. Je pense que j'ai trois épisodes du grenier à vous présenter dans ce Lobster. L'épisode 12, où je parle de ciné-cadeau. Ben oui, l'horaire de ciné-cadeau est sorti il y a quelques jours, je crois. Donc, j'en ai profité pour faire un épisode là-dessus. Dans l'épisode 13 du Grenier Pop, je parle de Passe-partout. Je nous rappelle de bons souvenirs, des chansons comme Les Poissons, des choses du genre. Et dans le 14, que je viens tout juste d'enregistrer ce week-end, c'est un épisode sur les films en noir et blanc. Je vous propose un choix de films en noir et blanc que j'aime bien. Donc, voilà! Ça va être à la fin de ce Lobster, épisode 12, 13, 14 de Grenier Pop. Sinon, qu'est-ce que j'avais mis de côté pour vous parler? Si je regarde, ah oui, les araignées. J'ai lu un article qui m'a fait un peu frémir sur le site de Radio-Canada. L'article se nomme « Découverte de la plus grande toile d'araignée au monde ». Ça fait vraiment peur quand tu regardes ça. Je pense que tu vois deux spéléologues qui sont debout devant. On voit juste un petit peu, là, mais tu vois une immense toile. On en voit juste un petit bout. On est un peu comme dans Skyrim, là, quand l'araignée, là, il y a un endroit qu'on est dans le sous-sol, puis il y a une immense araignée qui descend du haut, puis sur le mur où il y a quelqu'un de pris, ben il y a une immense toile d'araignée là, qui couvre une surface beaucoup trop grande. Donc, c'est ce qu'on voit dans l'article là, de Radio-Canada. Si je vous le lis, ça dit « Des spéléologues et des scientifiques ont découvert cette super ville arachnéenne en 2022 dans la grotte de Sulfur à cheval sur la frontière gréco-albanaise. » Donc, au moins, c'est pas proche d'ici. « Après des années d'études, les chercheurs estiment que cette toile de plus de 100 mètres carrés abrite environ, c'est là que ça fait peur, 110 000 araignées qui se cachent dans cette toile. La toile abrite deux espèces différentes, Tegenaria domestica, ça c'est l'araignée je pense qu'on voit dans nos maisons, et Prinérigone vagans, j'ai regardé, là c'est une autre tout petite araignée. Chacune génétiquement distincte de ses congénères vivant à la surface, les chercheurs affirment également que c'est la première fois que ces araignées, généralement solitaires et rivales, sont observées en colonie, une découverte que l'équipe qualifie d'extraordinaire. Ben, pas moi, là, ça fait peur. Les chercheurs pensent aussi que la popularité de la grotte de sulfure auprès des araignées s'explique par le nombre considérable de moucherons qui vivent également dans ses profondeurs, offrant une source de nourriture abondante pour les arachnides. Donc, c'est juste ça l'article. C'est très effrayant. J'ai été vérifié et heureusement, aucune de ces araignées ne mordent. Elles sont trop petites, donc même si on tombe dedans, il n'y a pas de danger. Mais bon, en vérifiant ça, c'est là que j'ai découvert que Tolkien nous mentait. Donc, ce qui est dans Le Seigneur des Anneaux n'est pas tout à fait vrai. Vous vous souvenez de la scène un peu dégueulasse là, de l'araignée qui pique Frodon, puis elle l'entoure après, puis Frodon, il crache du blanc. Là. Eh bien, c'est pas vrai. Tolkien a imaginé une créature, lui, monstrueuse, qui possède un dard, un peu comme un scorpion. Donc, c'est pas réaliste, mais c'est fait pour être plus terrifiant, évidemment. Donc, la conclusion, c'est qu'il ne faut pas croire tout ce qu'il y a dans Le Seigneur des Anneaux. Mais je vous rassure, les nains, les personnes de petite taille comme les hobbits, ça c'est vrai, ça existe et on les aime. Un autre sujet que j'ai mis de côté, le film Le Lobster, et oui, c'est sorti. C'est mon frère qui m'a envoyé ça. C'est quelqu'un qui a fait un film qui se nomme Le Lobster. C'est pas récent, là, ça date de 2015, donc un peu avant le début du Lobster. Je vous lis quand même le synopsis, puis on en rediscute. C'est quand même super intéressant. Le Lobster est un film irlando-anglo-néo-irlandais-franco-grec. Bon, là, il y a beaucoup de langues là-dedans. Réalisé par quelqu'un. Le film se déroule dans un futur proche où toute personne célibataire est obligatoirement internée à l'hôtel et il a 45 jours pour y trouver l'âme sœur. Déjà là, c'est intéressant. Passé ce délai, la personne est transformée en l'animal de son choix. Après 11 ans de relation, David se retrouve célibataire lorsqu'il apprend que sa femme l'a quitté pour un autre homme. Il est emmené à l'hôpital, à l'hôtel où il découvre ses nombreuses règles et assiste à des bals, des soirées festives et des scènes théâtrales montrant les avantages d'une relation. Il part aussi à la chasse aux solitaires, des résistants qui vivent cachés dans la forêt. Chaque solitaire, capturé à l'aide d'un fusil à fléchettes tranquillisant, offre un jour de plus au chasseur pour trouver un partenaire ayant quelque chose de particulier en commun afin de pouvoir débuter une relation. David se lie bientôt d'amitié avec Robert et John, mais lorsqu'il se retrouve dans une situation délicate, après avoir fait croire qu'il était compatible avec une résidente, il tente d'échapper à son destin en s'enfuyant dans les bois. Il est alors recueilli par les solitaires aux règles aussi strictes que différentes de celles de l'hôtel. Bon, je sais pas vous, mais ça me semble quand même un synopsis assez intéressant. L'idée est quand même bonne. Et le lien avec le lobster, eh bien, on le voit dans la bande-annonce. L'animal que David a choisi, s'il ne trouve pas l'amour, c'est le homard. Donc, après 45 jours, s'il n'a pas trouvé, il sera transformé en lobster. Donc voilà, si quelqu'un a vu ce film, vous nous donnerez votre critique sur le site Facebook du Lobster. J'ai failli l'écouter, car dans la bande-annonce qu'on va écouter, je pensais avoir vu une espèce de Willow, là, une personne de petite taille, mais en allant vérifier, c'est juste une personne de taille pas trop grande, donc rien qui méritait un intérêt accru. Donc voilà, donc on écoute ensemble la bande-annonce, je l'ai juste trouvée en anglais là, pour ce film irlando-anglo-néerlandais-franco-grec. Donc on écoute la bande-annonce du Lobster. Have you ever been on your own before? No, never. Your last relationship lasted how many years? 12. Sexual preference? Women. Any children? No. And the dog? This is my brother. He was here a couple of years ago, but he didn't make it. Good morning. 44 days left. Breakfast is served. As you understand from your brother's experience, if you fail to fall in love with someone during your stay here, you'll turn into an animal. Would you like to dance? Mind if I join you? Today you became erect quicker than on other days. That's good. Please, just a little longer. Hello, everyone. My defining characteristic is that I have a very beautiful smile. We have to be totally synchronized. 5, 4, 3, 2. Have you thought of what animal you'd like to be if you end up alone? Yes, a lobster. A lobster is an excellent choice. I can't go much faster. These trousers are too tight, I'm sorry. Voilà pour la bande-annonce. On voit quand même des choses bizarres là, que vous n'avez pas pu voir, mais dans une des scènes de cette bande-annonce, il y a une femme qui se frotte sur David pour l'aider à avoir des érections de plus en plus rapidement. Donc, c'est quand même bizarre. Puis aussi, David est accompagné, on voit ça dans la bande-annonce, de son frère, un chien, qui, lui, n'avait pas réussi à trouver l'amour en 45 jours. Bref, il y a des bonnes idées dans ça, de ce que je vois de la bande-annonce. Je vais essayer de trouver le film là, avec les sous-titres en français. Et si je l'écoute, je vous en reparle. Maintenant, des nouvelles du pape, là, El Papu! Saviez-vous que le pape a un top 4 de ses films préférés? Je pense que ça mérite qu'on en parle. Devant une audience de gens d'Hollywood et d'acteurs, le pape leur a révélé dernièrement ses 4 films favoris. Je vous les nomme. Premier, Y a-t-il un pilote dans l'avion? Deuxième, Ilsa, la louve des SS. En troisième, La soupe aux choux. Et pour terminer, Emmanuel II, l'antichambre du plaisir. Bon, c'est pas exactement ça qu'il a dit, là, mais ironiquement, ou juste pour s'amuser, ça aurait été quand même drôle que ça soit ça. Non, pardon, ça c'est la liste que moi j'ai inventée. Mais voici sa vraie liste. Premier, La vie est belle de Roberto Benigni. La mélodie du bonheur. Troisième, It's a Wonderful Life, c'est un vieux film, 1946. Puis Des gens comme les autres. Donc, rien de bien intéressant. Si ça n'avait été que de ça, là, que de cette liste, j'en aurais pas parlé. Mais l'idée de lui inventer 4 films comiques. de mon choix me plaisait, donc c'est pour ça que je vous en ai parlé. Parce que je m'imagine quand même bien, là, El Papu, écouter la soupe au chou là, avec Louis de Funès, c'est sûr que ça le ferait sourire. Sinon, petite nouvelle rapide, le site Anime Sama, dont je vous parle de temps en temps, a changé d'adresse. Il est rendu à l'adresse anime-sama.org. Donc, pour écouter les films d'animé ou plein de séries d'animé durant les fêtes, c'est la place si vous n'avez pas d'abonnement à d'autres services là, en streaming. Anime-sama.org, là, c'est gratuit. Il faut juste écouter des pubs de temps en temps. Autre nouvelle rapide, j'ai lu qu'il y allait avoir un film de Zelda en prise de vue réelle. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. The Legend of Zelda est un film américo-japonais réalisé par Wes Ball et dont la sortie est prévue pour 2027. Il s'agit d'une adaptation, évidemment, de la série de jeux du même nom. Bref, on ne sait pas grand-chose, mais l'article, il nommait, c'est pour ça qu'il y avait un article, il nommait les deux acteurs principaux qui vont jouer les rôles de Link et Zelda. Pour Link, c'est Benjamin Evan Hensworth. Je ne le connais pas, j'ai vu qu'il avait joué dans Pinocchio. Et pour Zelda, pour la princesse Zelda, c'est la Bo Bragason. Je ne la connais pas non plus, elle aurait joué dans Three Girls, une série, je crois. Donc, moi, je trouve que c'est quand même bien. Ils ont le physique de l'emploi, là, on les a vus habillés dans des vêtements, là, Link est habillé en vert, puis la princesse a une belle robe. Puis ils ont quand même le physique de l'emploi, puis moi, vu que c'est des acteurs inconnus, ben c'est facile de les identifier à ces personnages. Donc moi, je trouve que c'est quand même un bon choix. J'aurais pas aimé que Link soit joué là, par Adam Sandler, puis que la princesse Léa soit Sandra Bullock. Là. Non, c'est mieux des gens pas trop connus là, qu'on n'a pas déjà associés à des personnages. Bref, c'était juste une petite nouvelle sur la légende de Zelda, le film. Sinon, j'ai aussi reçu un message de Martin, mon ami, suite au dernier Lobster où je jouais de la musique. Là, vu que lui avait choisi la même chanson que l'intelligence artificielle, pour sa chanson, j'ai passé le poussin piou piou. Bon, ben, je me suis permis de passer une chanson un peu bizarre. Bref, vu que j'avais passé un peu n'importe quoi pour sa chanson préférée, il m'a envoyé une belle liste de chansons que lui aime et qu'on peut découvrir et qu'on va découvrir grâce à lui. Donc, ce que je propose, c'est d'écouter dans ce Lobster 178.0 les trois greniers pop que j'ai d'avance et d'enregistrer. Puis, je vais faire tout de suite après un Lobster 179 dans lequel on va découvrir les nouveautés musicales que Martin nous propose. Donc, êtes-vous d'accord? Oui, bon, ça va être ça. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à vous dire. Donc là, on écoute les trois épisodes à radio du Grenier Pop, et le Lobster 179 suivra. Voilà, on décolle ça, que la paix du soleil soit sur vous et que les nains fleurissent vos gazons. Le Grenier Pop, trésor vintage et culture pop, c'est votre marché aux puces des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage, on pop, pop, pop. Le Grenier Pop. Allô, allô, bienvenue dans le Grenier Pop sur CIBL 105 FM. Mon nom est Frédéric Lavoie et je serai avec vous dans la prochaine demi-heure pour prendre l'échelle qui monte au grenier et ouvrir une boîte sur laquelle est écrit Ciné-cadeau. Et oui, l'horaire de notre saison favorite est enfin sorti. Cette année encore, durant la longue période des vacances de Noël, nos enfants vont pouvoir redécouvrir les mêmes classiques que nous quand on était plantés en pyjama devant la télé avec un bol de Frosted Flakes pendant que le sapin clignotait à nos côtés. Ciné-cadeau, c'est après plus de 40 ans, une sorte de rituel au Québec. Et aujourd'hui, on plonge ensemble dans cette tradition à laquelle, malgré mes 51 ans, je participe encore. Tout d'abord, première information importante, Télé-Québec est accessible par Internet. Donc, pour ceux qui, comme moi, n'ont plus accès à la télé traditionnelle, sachez que rien ne vous empêche d'écouter votre ciné-cadeau directement sur votre ordinateur, votre tablette ou même votre petit téléphone. Autre information intéressante, cette programmation spéciale de Télé-Québec se tiendra pendant un mois du 5 décembre au 5 janvier. Et pour ceux qui ne sauraient pas encore qu'est-ce que Ciné-Cadeau, eh bien, chaque année, Télé-Québec propose une sélection de films classiques et d'émissions animées qui nous replongent directement en enfance. des histoires pleines de magie, des comédies absurdes, des aventures captivantes, tout y est pour raviver l'esprit des fêtes. Et soyons honnêtes, il n'y a pas d'âge pour réécouter les indémodables Astérix ou même la guerre des Tucs. Donc, il y a quelques jours, Télé-Québec a dévoilé son horaire ciné-cadeau. Je vous propose qu'on regarde ensemble ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. La première chose que je remarque, c'est que Télé-Québec n'a pas seulement pensé aux tout petits. Non. Il y a une programmation en soirée pour les plus grands. Par exemple, et ça, j'ai été vraiment surpris de le découvrir, du mardi 16 décembre au jeudi 18 décembre, à partir de 20h chaque soir, Télé-Québec nous a programmé une suite de 3 films. Et là, attention, on ne parle pas de n'importe quelle trilogie, on parle de la meilleure série de films de fantasy épique jamais réalisée. Le genre de production qui a complètement redéfini ce qu'un film médiéval fantastique pouvait être. C'est une œuvre qui a remporté un nombre impressionnant de prix, qui nous offre des paysages tellement magnifiques qu'on a envie de réserver un billet d'avion juste en les regardant, et surtout, un univers tellement riche qu'on pourrait passer nos vacances de Noël au complet dedans et personne ne s'en plaindrait. Chaque soir, Télé-Québec nous propose un chapitre de cette grande aventure. Un premier film où un groupe improbable se forme, un deuxième où les forces s'affrontent à coups de batailles monumentales et un troisième qui conclut tout ça avec un record de récompense et l'une des fins les plus marquantes du cinéma moderne. Pour moi, c'est un cadeau incroyable dans la grille horaire. On passe des dessins animés réconfortants avec les enfants à l'une des plus grandes œuvres cinématographiques jamais produites pour les plus grands. Et là, je vous propose qu'on écoute un court extrait pour voir si vous avez deviné de quelle série mythique il s'agit. Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Trois furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Sept, au seigneur nain, grand mineur et sculpteur de la montagne. Et neuf anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désirait le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous. Donc, vous l'avez reconnu, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Et oui, je sais bien sûr que c'est probablement disponible sur une plateforme d'écoute en ligne, mais l'attrait de Ciné-Cadeau, c'est le rendez-vous. Je sais qu'à partir du 16 décembre, pendant 3 soirs, je dois être lavé dans mon plus beau pyjama avec un gros bol de pop-corn prêt pour le début du film à 20h. Ce qui est plaisant dans ce rendez-vous, c'est la préparation. On peut l'annoncer à toute la famille et ça devient un rendez-vous. Outre cette trilogie, Télé-Québec nous ont aussi prévu des soirées thématiques. Par exemple, lundi le 8 décembre, à partir de 20h, c'est un spécial James Bond. On aura droit à James Bond contre le Dr. No, Goldfinger et Bon Baiser de Russie. Les trois en ligne, une longue soirée en compagnie de notre agent secret 007. Qui êtes-vous? Bond. James Bond. Eh bien, jouez! Ah, j'aime mieux ça. Votre nom? Jill. Jill comment? Jill Masterson. Dites-moi, Jill, pourquoi fait-il ça? Gagner, ça lui plaît. Et pourquoi faites-vous ça? Il plaît très bien. Quoi, uniquement pour ça? Pour qu'on me voie avec lui également. Vous voir, c'est tout? C'est tout. Ravi de le savoir. Vous êtes trop jolie, trop gentille pour être mêlée à ce genre de choses. Écoutez, Goldfinger, votre chance a tourné. Je ne crois pas que vous aimeriez voir la police de Miami s'intéresser à vos affaires. Hochez la tête si vous êtes d'accord. Approuvé. Bon, maintenant vous perdrez, Goldfinger. Bah, mettons, 10 000 dollars. Non, soyons plus généreux. Vous perdrez 15 000 dollars. Donc, voici le genre d'intrigue que vous aurez la chance de revoir dans Goldfinger. Les vieux films de James Bond sont tellement bons que je crois que ça vaut la peine de retenir cette date sur votre calendrier, le lundi 8 décembre à 20h. Donc, voilà pour la portion adulte de Ciné-Cadeau en fin de soirée. Je vous invite à vérifier l'horaire. Il y a plein de bons films que vous pourrez revoir. En voici quand même quelques-uns que j'ai remarqués. 19 décembre, 20h, Bienvenue chez les Ch'tis. Dimanche, 21 décembre, 20h12, Le Crime de l'Orient Express. Ça, c'est l'adaptation du célèbre roman d'Agatha Christie. Ce film nous emmène dans un train luxueux en plein blizzard où un meurtre mystérieux bouleverse tout le monde. Et bien sûr, arrive le personnage du détective Hercule Poirot avec sa moustache impeccable et ses petites manies. Le soir de Noël, un autre classique à 22h, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Un film poétique et coloré qui nous replonge dans les rues de Montmartre et dans la vie fantasque d'Amélie, une jeune femme qui décide de rendre le monde meilleur pour ceux qui l'entoure. Ici, ce qui est particulièrement marquant dans ce film, c'est la musique de Jan Tiersen, qui accompagne les scènes et lui donne cette atmosphère à la fois tendre et magique. Pour moi, ce film a aussi une autre signification. Je prends des cours de piano classique depuis maintenant 2 ans et la semaine passée, ayant terminé de maîtriser une pièce, ma professeure m'est arrivée avec une nouvelle proposition, apprendre comptine d'un autre été. Je dois vous dire que cette pièce n'est pas facile à maîtriser, mais bon, tout est une question de pratique sur mon vieux piano de concert droit construit quelque part au Québec en 1895. Ce n'est qu'une question de temps avant que j'arrive à maîtriser cette pièce. Mais là, retournons à notre ciné-cadeau. J'ai commencé par vous parler des films de fin de soirée, mais ce n'est pas exactement ça, ciné-cadeau. Non, le vrai ciné-cadeau, c'est pour les enfants. C'est de se réveiller le matin quand tu avais 7, 8, 9, 10 ans et d'allumer la télé et d'entendre ce générique. Ça, c'est le générique de Ciné-Cado des années 80, quand moi j'avais juste le bon âge Ciné-Cado. Et qu'est-ce qu'on espérait voir après ce générique? Eh bien, moi je vous le dis, moi je voulais entendre ceci. C'est à mon avis le plus grand classique de Ciné-Cado. Si Jules César avait su ce que tout le monde sait à propos de la finesse de la ruse et de la force d'Astérix, il ne l'aurait sûrement jamais mis au défi de réaliser 12 travaux. Voyons à l'instant si vous avez raison de parier sur le succès d'Astérix. Les films animés d'Astérix et Obélix, c'est le meilleur de Ciné-Cado. Ciné-Cado ne pourrait pas être Ciné-Cado sans les aventures d'Astérix et Obélix. Ça fait 40 ans là, qu'on nous les joue durant la période de Noël. Et cette année, on a droit à quoi? Ceux des années 60 et 70, on va nous passer Astérix le Gaulois, Astérix et Cléopâtre et les 12 travaux d'Astérix. On a le droit aussi à ceux des années 80, Astérix et la surprise de César, Astérix chez les Bretons. Et finalement, un des années 90, le coup du menhir. Donc, d'après ce que je vois, il ne nous manquerait que Astérix chez les Indiens et Astérix chez les Vikings. Ce sont les deux plus récents de 1994 et 2006. Donc, probablement qu'ils sont un petit peu plus coûteux en frais de droits de diffusion. Mais peu importe, avec les six autres, on va déjà être largement gâtés. Maintenant, ouvrons une vieille boîte du grenier pop, un de mes souvenirs. Moi, un des films qui m'a marqué, qui a longtemps été dans la grille de Ciné-Cado, mais bon, je viens de vérifier, il ne l'est plus maintenant, c'est le film Le Roi et l'Oiseau. Un chef-d'œuvre étrange, poétique et tellement marquant de Ciné-Cado. Le Roi et l'Oiseau, c'est un film d'animation français qui est sorti en version finale en 1980. Pendant des années, ce dessin animé a été un incontournable de Ciné-Cado, au même titre qu'Astérix, Tintin ou Lucky Luke, même s'il avait un ton un peu plus étrange, plus poétique, parfois même un peu inquiétant pour nous, les enfants. L'histoire en bref, dans le royaume imaginaire de Tachycardie, on suit un oiseau moqueur et bavard, narrateur et perturbateur officiel du roi. On suit aussi un roi tyrannique obsédé par son portrait et par le contrôle absolu de son royaume. On suit aussi un jeune ramoneur et une bergère qui tentent de s'enfuir pour vivre leur amour et bien sûr, un robot géant qui apparaît dans la dernière partie du film. Le ton alterne entre humour, poésie, satire politique et imaginaire débridé. Pour beaucoup d'enfants des années 80 et 90, comme moi, c'était un film étrange, mais hypnotisant, qui sortait complètement du style habituel de Ciné-Cado. Et ce film, je ne le savais pas, il y a quand même une histoire incroyable. C'est en préparant l'émission que j'ai découvert ça. La version que nous avons pu voir dans les années 80 à Ciné-Cado est la deuxième version de ce film. Tout débute en 1947, quand le réalisateur Paul Grimaud et le poète Jacques Prévert décident d'adapter un conte d'Anderson, La bergère et le ramoneur. Ils en font un film ambitieux, poétique, avec une animation très en avance sur son temps. Mais bon, catastrophe! En 1952, le producteur sort une première version du film non terminée, sans l'accord de Grimaud et Prévert. C'est une version incomplète, amputés qui ne respectent pas leur vision. Le film sort quand même en salle sous le titre « La bergère et le ramoneur ». Grimaud est furieux, le film est coupé, dénaturé et il n'a plus de droit dessus. À partir de là, Paul Grimaud n'a qu'une idée, reprendre son film et le refaire correctement. Donc ça va lui prendre 30 ans pour récupérer les droits, reconstruire l'équipe et financer une nouvelle version. C'est dans les années 70 qu'il parvient enfin à relancer le projet. Il récupère les séquences déjà existantes qui seront en grande partie réanimées, en ajoute beaucoup de nouvelles et transforme complètement l'histoire pour en faire une satire poétique beaucoup plus riche. Ce travail colossal mène finalement à la version que nous connaissons, celle de 1980. C'est donc en 1980 que sort cette version officielle, celle voulue par Grimaud et Prévert. À sa sortie, le film impressionne par son style artistique unique, son humour de Prévert, sa profondeur politique et son robot géant déjà culte. Il devient vite un classique de l'animation française. Maintenant, Bon, pour se rappeler un petit peu, voici sa bande-annonce. Prenons le temps de se le rappeler à nos mémoires. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oh, pardon. L'histoire que nous allons avoir l'honneur et le plaisir de vous conter est une histoire absolument véridique. Parfaitement, elle est véridique. Elle m'est arrivée à moi et à d'autres en même temps. À cette époque, régnait encore le roi Charles V et 3 fonds 8 et 8 fonds 16 de tachycardie. Petits oiseaux chéris, papa est là qui veille, papa qui veille au grain. Dormez, petite merveille. Premier étage, affaires courantes, contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation, solde de coupons, prison d'état, prison d'été, prison d'hiver, prison d'automne et de printemps, bagne pour petits et grands, équipement militaire, ministère de la guerre et des hostilités, sous-secrétariat d'état à la paix, panoplie en tout genre, feu d'artifice, dernière cartouche, fourrure, bonneterie, chapeau, trompette, brosse à lire et tambour, galerie des ancêtres, grands ateliers du roi, asile de nuit du roi, gibier de potence du roi, 296e étage, appartement secret de sa majesté. Donc voilà pour ce souvenir Grenier Pop sorti de ma mémoire. Et pour les nostalgiques qui, comme moi, voudraient le revoir, le film est disponible sur le site archive.org. Juste faire une recherche sur le nom du film, Le Roi et l'Oiseau, et vous allez pouvoir revoir ce chef-d'œuvre. Bon, maintenant, petite pause musicale, et cette fois, ce sera une pause ciné-cadeau, et oui, tirée d'Astérix et Cléopâtre, une chanson que l'on connaît tous, qu'on a tous chanté, le pudding à l'arsenic. Et bon, on va écouter la version live des Colocs. On écoute ça sur les ondes du 105 CIBL. Un tour de vis! Alors, mon bon fils, mon maître, avez-vous préparé quelque chose de diabolique? Ah, ce sera du gâteau! Ah bon? Beignet mortel? Non. Clafoutis au curare? Classique. Macaron foudroyant? Non. Tarte au venin de vipère. Pain tout. Ok. Ha! Le pudding à l'arsenic. Dans un grand bol de strychnine, dilué de la morphine, fait tiétir à la casserole un grand verre de pétrole. Je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion tranché très fin. Et un peu de poivre en grain. Non! Mettez votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif et faites bouillir à feu vif. Je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, tiétir du sang de lézard, bouillir dans un dé à coudre et un peu de sucre en poudre. Non! Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Dormez sur les bords du Nil que mangeons les crocodiles. venin de cobra pour radoucir le mélange. Presser trois quartiers d'orange. Je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisi dans du verre de gris, tant que votre pâte est molle. Et un peu de vitriol. Non. Ouais. Demain sur les pantinés, que mangeront les crocodiles. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bancs du Nil, que mangeront les crocodiles. Des Gaulois. Papa, tu veux la voulue. Un beau souvenir, cette chanson. Un souvenir qui fait presque partie de notre patrimoine québécois. Maintenant, pour la suite de ce grenier pop enrubanné, il me reste un peu de temps pour ressortir un dernier souvenir du grenier. Un film que nous avons eu la chance de voir deux fois durant nos 40 ans de ciné-cadeau, le 20 décembre 86 et le 26 décembre 88. Je vous en ai déjà parlé dans un autre grenier pop. Ce film m'a marqué. C'est le film Les Maîtres du Temps. C'est sûr qu'à l'une de ces deux dates, j'étais devant la télé à le regarder. Et ce qui m'a frappé dans ce film, c'est une scène en particulier. Le petit garçon de l'histoire, Piel, perdu sur une planète hostile, se fait picorer la tête par de gros moustiques. Moi, cette scène est restée gravée dans ma mémoire. Bon souvenir, traumatisme, peu importe, merci Ciné-Cadeau de m'avoir présenté ce film. Et c'est un film dont la fin est quand même assez triste. Elle se termine par les funérailles de Piel, ce petit garçon qui s'était fait picorer la tête, mais qui avait été sauvé par un voyageur du temps et dont la mémoire d'enfance avait été effacée. Mais bon, malgré la tristesse de cette fin, il y a quelque chose de beau dans cette histoire, dans cette musique, dans ces images qui restent marquées dans mon esprit. Alors pour conclure cet épisode du Grenier Pop spécial Ciné-Cadeau, je vous propose de réécouter cette fin des Maîtres du Temps en vous laissant bercer par cette belle musique. Et bien sûr, je vous souhaite aussi un bon Ciné-Cadeau 2025. L'orphelin de Perdida est mort, humain. Il a quitté notre temps pour entrer dans l'éternité. C'est étrange. Ils ne sont qu'une douzaine, et je ressens les émotions de milliers de personnes. Je sais, moi aussi. D'où est-ce que ça vient, compagnon? Du cœur. Du cœur, Yula. Je crois que nous l'aimions, ce vieil humain. Que nous l'aimions beaucoup. Regarde là-haut. Un maître du temps. Thank you. Allô, allô, bienvenue dans le Grenier Pop sur les ondes de CIBL 101.5 FM. Mon nom est Frédéric Lavoie et je serai avec vous dans la prochaine demi-heure pour grimper l'échelle qui mène au grenier et ouvrir une boîte sur laquelle est écrit « Passe-partout ». Et oui, cette semaine, dans le Grenier Pop, on retourne dans un univers doux, rassurant, coloré, un endroit où les chaussettes parlent, où les chansons restent coincées dans notre tête depuis plus de 40 ans et où les émotions avaient déjà toute leur place. Donc, installez-vous confortablement, respirez un peu de nostalgie parce qu'on replonge ensemble dans les souvenirs de « Passe-partout ». J'aime les papillons, les souliers neufs et les beaux vestons. Passe-car au culbut, saute et tourne en rond. Où est Passe-partout, le nez dedans, son baluchon. Passe vite, vite, cannelle et pruneau. Avec le zèbre, on court au galop. Quand on chante comme des oiseaux. Passe-partout, c'était quoi? C'était une émission de télévision québécoise pour enfants diffusée entre le 14 novembre 1977 et le 16 janvier 1992 sur Radio-Québec et rediffusée le lendemain à la télé de Radio-Canada. On a eu droit à 289 épisodes de 30 minutes conçus pour l'éducation préscolaire avec des rediffusions de cette première série jusqu'en 1998. Mais avant d'en arriver au premier épisode de 1977, il a fallu plusieurs années de préparation. L'aventure débute à l'automne 71. Le ministère de l'Éducation demande à son service général des moyens d'enseignement de concevoir et produire une série télévisée originale québécoise destinée à l'éducation des enfants d'âge préscolaire. On prévoit à ce moment-là 125 épisodes. Donc, c'était ça le mandat initial et le commencement d'une très longue et tumultueuse période de gestation, presque 7 ans avant le début du tournage des épisodes. En faisant des recherches là-dessus, j'ai découvert des détails amusants. Saviez-vous que tout au long de la préparation de Passe-partout, le nom du projet était Saperlipopette? Ce n'est qu'à la veille du tournage en 77 qu'un sous-ministre exige un changement de nom. Saperlipopette est un juron anodin peut-être, mais c'est un juron quand même et on ne voulait pas donner ce nom à une émission pour enfants. Pourtant, à mon avis, ça sonne quand même bien, les Saperlipopette. Je me demande si c'est ce nom qui a aussi inspiré celui de l'émission qu'on a eu à partir de 78, les Satellipopette. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un quiz pour les jeunes du primaire. Il y avait le capitaine Cosmos qui était joué par Claude Steben qui posait des questions à deux équipes et au fil des jeux, les équipes gagnaient des morceaux de robots. Puis l'équipe gagnante était celle qui terminait son robot en premier. Moi, j'aimais ça, cette émission-là. On se rappelle son générique. Les satellites popettes sont des robots sans lunettes. Ils viennent de leur planète. Voir si on est pas trop bête. Ils prennent des devinettes. Leur mettre le cœur en fête. En se coupant l'assiette. Puis les satellites popettes. Ah! Ah! Souvenir les Satellipopettes. Mais si on revient à Passe-partout, comme je disais, la veille du début du tournage du premier épisode, un autre nom doit être choisi. Laurent Lachance, en charge du projet et considéré comme le père de l'émission, doit trouver un nom sur le champ. Ce sera donc Passe-partout. Et cette première édition de la série, qui s'étend sur 2 ans, rencontre un grand succès à travers le Québec. Et à la fin, lorsque le public réalise qu'il n'y aura pas d'autre épisode que les 125 premiers, les protestations fusent. Et une pétition de 85 000 noms est déposée à l'Assemblée nationale pour exiger la suite. Encore du Passe-partout! Encore du Passe-partout! Donc, la pétition sera entendue car finalement, on aura réalisé en tout 289 épisodes de 30 minutes chacun, un net dépassement du mandat initial. Une autre information intéressante sur laquelle je suis tombé, en 1980, le premier album des chansons originales tirées de la série sort et se vend à 175 000 exemplaires, obtenant le Félix du disque le plus vendu, toutes catégories confondues. Avez-vous ce disque à la maison? Moi, oui. En fait, j'ai plusieurs des vinyles de Passepartout encore là, dans ma collection, mais le premier, c'est celui intitulé Passepartout volume 1. Sur la couverture, on peut voir Passepartout, Passe-Carreau, Passe-Montagne et Cannelle et Pruneau. Et que dire des chansons? Beaucoup étaient des vers d'oreille. On peut en réciter plein là, de mémoire. Un des classiques, c'est la chanson des poissons. On l'écoute. Les poissons gigotent, les poissons barbotent, les poissons vivent dans l'eau. Dans le fond du lac font des flics flaques sur le ventre et sur le dos. Au fond de la rivière, y a pas de lumière. Les poissons voient clair dans l'eau. Dans le fleuve immense, tous les poissons dansent et passent sous les bateaux. Dans la mer verte font une trempette. Oh là là, comme il fait beau. Les poissons gigotent, les poissons barbotent, les poissons vivent dans l'eau. Moi, ce que j'avais pas remarqué de Passepartout, c'est que chaque épisode de la série était toujours construit de la même façon. Il y avait toujours trois volets. Il y avait la portion avec les marionnettes. C'est là que Cannelle venait nous parler de Biscuit qui était toujours perdu ou Pruneau qui faisait rugir son dragon. Ensuite, on avait la portion avec les fantaisistes. C'est ce bout-là qu'on avait droit à Passepartout, Passe-Carreau ou Passe-Montagne. Et finalement, le troisième volet, l'entrevue avec les enfants. C'est là qu'on avait des enfants comme nous qui avait la parole. Et chacun de ces volets avait un objectif particulier. L'objectif premier de Passepartout était d'inculquer aux enfants la confiance en soi et pour y parvenir, on recréait un milieu de vie qui leur était familier. Or, les marionnettes permettaient de réaliser des mises en situation avec les parents, les amis, les voisins et donnait à ceux-ci la possibilité d'aller plus loin dans l'expression des émotions. Ensuite, les fantaisistes complétaient l'imaginaire des marionnettes en interprétant des exercices de motricité et de situation physique. C'est eux qui donnaient un peu de chaleur humaine. Et finalement, l'entrevue avec les enfants, c'est la marque de la série. Ce volet livrait un message clair aux enfants en les invitant à passer à l'action, à sortir de l'émission et à s'intéresser à quelque chose de réel. Bref, à se dire « Moi aussi, je suis capable ». En voici un bel exemple, la feuille de papier. C'est pas grand-chose, c'est juste un enfant qui court avec sa tuque bleu, blanc, rouge sur la tête. Lui, il court dans la cour de récréation d'école et à la fin, il traverse une immense feuille de papier que deux amis tiennent pour lui. Je vais passer à travers la feuille de papier! Je passais à travers la feuille de papier. La musique en background fait quasiment peur dans ce petit segment. J'ai l'impression d'être dans un film d'Hitchcock. Une autre chose que j'ai appris en faisant des recherches sur la série, je suis tombé sur une petite surprise, une surprise pas très payante. Vous savez, quand on parle de Passepartout, on pense quand même à une émission culte, un monument de notre enfance, un classique diffusé pendant plus de 10 ans. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que derrière les marionnettes, les chansons et les comptines, il y avait des comédiens, des artistes, des gens qui passaient des heures à répéter, chanter, danser, animer, tout ça pour faire briller notre imaginaire. Eh bien, tenez-vous bien. Au fil des émissions, les fantaisistes étaient payés entre 83 et 124 $ par épisode. Et ça, c'est le cachet plus les droits de reprise pour 5 ans. Un forfait tout inclus, disons. Pour vous donner une idée, même à la fin des années 70, début 80, c'était pas un gros salaire. Pas du tout. À la TV québécoise, un rôle principal pouvait rapporter 2, 3, 4, parfois 5 fois plus que ça. Mais pour Passepartout, on fonctionnait avec les moyens du bord. C'était Radio-Québec, c'était éducatif, c'était petit budget. Et ironie du sort, personne n'imaginait que l'émission deviendrait ce phénomène immense qui a élevé toute une génération. Pendant qu'on chantait la chanson des poissons, les comédiens, eux, touchaient un cachet qui, aujourd'hui, ferait à peine sourire. Mais bon, le salaire des comédiens, un sujet problématique qui fait partie du passé et probablement encore du présent. Flip, flap, flop, le robinet coule encore. C'est la porte qui gémit. Boum, badaboum, le frigidaire à la tremblante. Cric-crac, cric-crac, le plancher a mal au dos. Je suis ta maison, tu es mon ami. Je te loge sous mon toit jour et nuit. Je te protège du froid, de la pluie. Tu joues, tu cours, tu danses et ris. Mais tu ne m'entends pas quand je crie. Flip, flap, flop, le robinet coule encore. C'est la porte qui gémit. Boum, badaboum, le frigidaire à la tremblante. Cric, crac, cric, crac, le plancher a mal au dos. Je suis ta maison, tu es mon ami. Quand tu m'entends gémir, grincer et pleurer, c'est pour te dire que je suis en danger. Et quand je craque de la cave au grenier, il est temps de vite, vite me soigner. Flip, flap, flop, le robinet coule encore. C'est la porte qui gémit. Boum, badaboum, le frigidaire à la tremblante. Cric, crac, cric, crac, le plancher a mal au dos. D'air glacé. Une porte bloquée. Un lavabo bouché. Une fenêtre coincée. Un tapis tout taché. Il est grand temps de s'inquiéter. Notre maison, faut la soigner. Passe-partout. Vous souvenez-vous des grands moments dans cette émission? Moi, de mémoire, il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Un premier, c'est l'histoire de Zigzag. Vous souvenez-vous de cette petite chose affreuse, un genre d'animal construit comme le monstre de Frankenstein? C'était un semblant de vache, mais avec des ailes. Et lui, il cherchait ses parents. Et pour retrouver ses parents, il se comparait avec des animaux de la ferme. Et chaque fois, la comparaison ne fonctionnait pas. Il n'était pas un mouton, une vache ou un cheval. Lui, c'était un Zigzag avec des sabots, des ailes et des cornes. Eh bien, sachez que dans un des épisodes de Passe-partout, il retrouve finalement ses parents. Et oui, moi, je savais même pas. J'ai dû manquer cet épisode. Donc, on se fait plaisir, on écoute les retrouvailles de cette longue intrigue. Je m'appelle Zigzag, Zag, Zag, Zag, Zigzag, Zigzag, Zag, Zag, Zag. Je cherche ma maman, zan, zan, zan. Je cherche mon papa, zan, zan, zan. Où sont mes parents, zan, zan, zan. Que je ne connais pas, que je ne connais pas. J'en ai pas de maman, zan, zan, zan. Puis j'en ai pas de papa, zan, zan, zan. J'en ai jamais eu. Pis j'en aurai jamais, zé, zé, zé. Zé, zé, zé, zé, zé, zé, zé, zé, zé. Zigzag. Zigzag. Qui c'est ça, c'est de là, zé, zé, zé? Oh, tu me reconnais pas, zé, zé, zé? Non, zé, zé, zé. Puis moi, joie, joie, joie, tu me reconnais pas, za, za, za? Non, za, za, za. Qu'est-ce que vous me voulez, zé, zé, zé? On t'a cherché partout, zou, zou, zou. On est tes parents, za, za, za. C'est même pas vrai, zé, zé, zé. Moi, je suis la Zag. Ton père, c'est le Zig. Puis c'est pour ça que toi, t'es un Zigzag. Voyons, zon, zon, zon. Facile à dire, gir, gir, gir. Regarde, on est pareil. Pareil tous les trois. Joie, joie, joie. Tous les trois, on a des cornes, des ailes, des sabots, puis une queue. Je, je. Non, Jean, Jean, Jean. Oh, maman, Jean, Jean, Jean. Oh, papa, Ja, Ja, Ja. Je m'appelle Zigzag, Zigzag, Zag, Zigzag, Zigzag, Zag, Zag, Zag. Cherche plus ma maman, Jean, Jean, Jean. Cherche plus mon papa, Jean, Jean, Jean. J'ai retrouvé mes parents, Jean, Jean. J'suis bien dans leurs bras, j'suis bien dans leurs bras. Et voilà, Zigzag retrouve ses parents. Mais je me demande quand même, après avoir entendu cette finale, comment il peut être bien dans le bras, parce que des bras, il n'y en a pas. Et comme on dit, pour ceux qui ont vu le film Les Intouchables, pas de bras, pas de chocolat. Papa, donnez-moi un chocolat. Non. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Un autre grand moment d'émotion de Passe-Partout, c'est l'épisode que j'appelle Fardoche fâchée. Bon, le vrai épisode se nomme Et patati et patata. Mais pour ceux de la génération Passe-Partout qui nous écoutent en ce moment, est-ce que l'épisode de Fardoche fâchée vous rappelle quelque chose? Moi, oui, c'est un classique et c'était pas drôle. Passe-Caro fait quelque chose qu'on lui a interdit. Oh là là! Fardoche, mm-hmm. Qu'est-ce que c'est cette boîte-là en haut? Dans cette boîte-là, mm-hmm. C'est plein de secrets. Les secrets? Quels secrets? Ben, si c'est mes secrets, je peux pas te le dire. J'aimerais bien ça savoir ce qu'il y a dans cette boîte-là. Ah! Faut que j'aille chercher un morceau à la maison. Viens-tu avec moi, fille? Non, je vais t'attendre ici. Bon, comme tu voudras. Ce sera pas long. Je vois ça, il va savoir que j'ai voulu fouiller dans sa boîte. Penses-tu que je devrais lui dire? Oh non. Je m'entends plus. Puis, Fardoche, as-tu trouvé ce qu'il te fallait? Mm-hmm. Ah ben, si vous voulez, regarde-moi dans ce boss-là. En plein, c'est le coffre à outils flambant neuf que mon ami Tancred m'a prêté. Ben oui, une bosse. Qui c'est qui a bien pu faire ça? Oh, je le sais pas, moi, Fardoche. T'es bien sûr de ça que tu le sais pas? Là, je suis mal prise. Ben, c'est-à-dire que oui, je le sais, parce que c'est l'enclume qui a tombé sur le coffre, c'est un accident. Ah bon? C'est l'enclume qui est tombée sur le coffre. Oui, c'est juste ça. Mais là, tu vas me dire, comment est-ce qu'elle a fait cette enclume-là pour tomber sur le coffre? Non, mais je sais pas, moi. Ah non? Mais non? Ben moi, je pense que c'est toi, ma petite fille, qui l'a fait tomber. Je ferais mieux de lui dire que c'est moi qui l'ai fait tomber. Hein? Mais il va falloir que je lui dise que j'ai voulu fouiller dans ses secrets. Hé, fille! C'est vrai, Fardoche. C'est moi qui l'ai fait tomber l'enclume. Tu me demandes pas pourquoi? Peux-tu me le dire? C'est parce que je voulais aller fouiller dans ta boîte. Pas correct, Sophie. Je le sais, Fardoche, mais je suis curieuse. Puis ça t'a pris tout ce temps-là pour le dire? Avais-tu peur que je te morde? Tout à l'heure, oui, plus maintenant. Fardoche fâché. C'est un gros épisode. Et de le voir à l'écran, là, faire des gros yeux à Pascaro, ça faisait peur quand on était enfant. Puis en plus, c'est dans le même épisode qu'on apprend aussi que Perlin est pauvre. Et oui, les marionnettes sont en camping avec Rigodon et Grand-Papa Bi, et pour aller pêcher sur le lac, il faut louer une barque qui coûte 5$. Et quand Perlin revient, après avoir été vérifié le prix pour louer la barque, il dit « c'est trop cher ». Donc, 5$ en 1977, ça représente quoi aujourd'hui? Eh bien, c'est l'équivalent de 25$. Et effectivement, c'est un peu cher payé pour louer un bateau à ce prix-là pour une heure. Si je regarde dans ma région, dans Vaudreuil-Soulanges, c'est 12$ en ce moment pour louer une embarcation pour les résidents. Donc, finalement, je comprends 40 ans plus tard que le 5$ que Perlin devait payer pour louer le bateau, c'était beaucoup trop cher. Perlin aurait dû payer 2,50$ pour que le prix soit raisonnable. Mais bon, à ce moment, quand j'étais enfant, j'étais juste un petit peu triste pour les marionnettes. Mais comme vous allez le voir dans l'extrait, il nous montrait qu'on pouvait quand même faire autre chose qui était gratuit. Donc, c'était une autre petite leçon de vie à la Passe-Partout. Et grâce à Rigodon, la journée a pu être sauvée. Pfiou, on cherche des vers de terre. Prends-le vite! Attends, mon petit ver de terre, là. Je vais aller chercher tes amis. Il en faut beaucoup des vers parce que nous autres, on s'en va à la pêche. Oui, on s'en va à la pêche sur le lac dans une grosse barque. Les vers, c'est bon pour attraper les poissons. On le met après un hameçon. Là, on le lance dans l'eau. Il y a un poisson qui arrive, il dit « Miam, miam, miam, un beau ver pour moi! » Puis là, oups, oups, il mange le ver, on tire deux coups, puis on attrape un poisson! Viens, t'as ici! Non, non, non, sauve-toi pas! Viens! Il est froid, mais je gâte! Mets-le dans la boîte! Oui. Regardez, j'en ai trois! Trois? Oh, ils sont gros. Où tu les as trouvés? Ici. J'ai levé la pierre, puis il y en avait beaucoup, beaucoup en dessous. Quelle pierre? Regarde. Coudonc, c'est une canne à pêche neuve que t'as là. Ouais, je l'ai achetée la semaine passée. Je vous dis que j'ai hâte de l'essayer. On s'en va en barque? On s'en va à la pêche? Ah, mais pas tout de suite. Avant, il faut que j'aille demander combien ça coûte pour louer une barque. Mais dépêche-toi, vas-y. J'ai hâte, moi, d'être sur le lac en barque. Ben oui. Tiens, viens donc avec moi si t'es si pressé. Oui! Ah, pendant ce temps-là, je vais préparer tout ce qu'il faut. Ben, c'est ça. Mon nom. Quoi, Rigodon? Vas-tu me laisser ramer dans la barque? Ben oui, tu rameras si ça te tente. Moi aussi, je veux ramer. Je sais comment. Rame. Vous ramerez tous les deux. Vous prendrez chacun une rame? Oui, chacun une rame. Rame. Hey, elle va avancer vite, notre barque, sur l'eau. Elle va dépasser les gros yachts. Oui, Wow! C'est quoi ça? Ah, c'est une cuillère. Une cuillère? Pas une cuillère pour manger? Non, c'est une cuillère pour attraper les poissons. Tu vois, c'est brillant. Quand les poissons la voient briller dans l'eau, ils s'approchent, ils se demandent ce que c'est. Et attention, il y a un hameçon au bout. Je le sais, c'est piquant les hameçons. Si moi j'étais un poisson, j'y toucherais pas. Grand-papa, as-tu loué la barque? Grand-papa, Bruno pis moi, on va ramer. Bon, mais on s'en va? Pas si vite. Puis, c'est combien pour une barque? C'est 5$ de l'heure. 5$? Ça n'a pas de bon sens, c'est bien que trop cher. C'est bien. On n'ira pas en barque? Ah, c'est trop cher, on n'a pas les moyens de se payer ça. Je vais y aller, moi, en barque, je vais y aller. Bon. Nous autres aussi, on avait le goût d'y aller. Qu'est-ce que tu veux? Quand c'est trop cher, c'est trop cher. T'en as des sous dans ta poche, je le sais que t'en as. Je peux pas tout dépenser pour louer une barque. Faut que j'en garde pour acheter de la nourriture. puis de l'essence pour revenir en ville. Je sais pas si ça avait été $1 ou $2, mais $5, non, c'est trop cher. Bon, allons reporter tout ça dans l'auto. Pas de barque, pas de pêche, ça sera pour une autre fois. C'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle! C'est sûr que c'est pas drôle, mais il faut pas commencer à être de mauvaise humeur pour ça, hein? On a tellement de plaisir en camping, pour vrai. Ouais. Mon père, il l'a dit que c'était cher en camping. Moi, je voulais y aller à la pêche en barque. Hey, OK, on va à la pêche au Méné. Pas besoin de barque pour la pêche au Méné. T'as juste besoin d'un linge à vaisselle. Un linge à vaisselle? Oh oui! Ça, c'est drôle. Tu t'en vas sur le bord du lac, nu-pied dans l'eau. Puis là, là, à deux, tu tiens le linge à vaisselle dans l'eau. Bon, tiens les coins, toi, Pruno. Non, faut pas bouger du tout. Même pas le petit orteil. Faut attendre. Les ménés y arrivent sur le linge. Tu lèves le linge. Les ménés sont dedans. Après, tu les prends, puis tu les mets dans un seau d'eau. OK, on y va. Oh, papa! Papa, veux-tu? On va aller sur le bord du lac pêcher les ménés. Oui. Attendez-moi une minute, je vais y aller avec vous autres. Qu'est-ce que tu fais, Rigodon? Tu viens pas? Il est par là, le lac. Avant, je vais remettre les vers dans la terre. On n'en a pas besoin pour la pêche aux ménés. Donc voilà, pas besoin d'une barque pour s'amuser. Juste de jouer sur le bord de l'eau en essayant d'attraper les petits poissons qui gigotent, ça va faire l'affaire et tout le monde est content et Perlin peut garder son 5 piastres. Et voilà, c'est déjà tout. 30 minutes, ça passe trop vite. Je dois déjà vous laisser. Avant de vous quitter, je vous rappelle notre bingo radio le dimanche de 13h à 15h qui est aussi diffusé à la télévision. Pour tous les détails, visitez la page de bingo radio sur cibl1015.ca et je vous dis merci d'avoir été à l'écoute du Grenier Pop. Le Grenier Pop, trésor vintage et culture pop, c'est votre marché aux puces des souvenirs. On fouille, on découvre, on partage, on pop, pop, pop. Le Grenier Pop, un rendez-vous curieux pour Allô, allô, bienvenue dans le Grenier Pop sur CIBL 101.5 FM. Mon nom est Frédéric Lavoie et je serai avec vous dans la prochaine demi-heure pour grimper l'échelle qui mène au grenier et ouvrir une boîte sur laquelle est écrit « Oh, oh, c'est une boîte spéciale, c'est une boîte cadeau. » Et oui, c'est ma fête aujourd'hui, 5 décembre, je viens d'avoir 52 ans. Donc, on va laisser cette boîte cadeau de côté, je l'ouvrirai après l'émission. On va plutôt ouvrir une vieille boîte ronde en métal dans laquelle se trouve la pellicule de vieux films en noir et blanc. Et oui, cette semaine, dans le Grenier Pop, on remonte le temps pour parler de ces vieux films oubliés en noir et blanc, qui, malgré les années, mériteraient qu'on les dépoussière un peu et qu'on leur redonne la lumière qu'ils n'ont jamais vraiment perdue. Parce que le noir et blanc, c'est plus qu'une absence de couleur. C'est un langage, une ambiance, une manière de raconter une histoire avec des ombres, des contrastes et des silences qui en disent souvent plus que 1000 mots. Alors installez-vous confortablement, sortez votre pop-corn avec ou sans beurre et on plonge ensemble dans ce cinéma où tout a commencé. On regarde maintenant dans notre vieille boîte de pellicule et on tombe sur un rouleau un peu particulier. Un rouleau qui, même aujourd'hui, fait encore frissonner les passionnés de cinéma. Dessus, écrit en lettres presque effacées, « Citizen Kane, 1941 ». Je vous en parle même si ce n'est pas un film que je classe dans mes favoris. Mais comme beaucoup de critiques le considèrent comme peut-être le meilleur film de tous les temps, alors il mérite que j'en parle un peu. Citizen Kane, c'est le premier film d'un jeune homme de 25 ans, un certain Orson Welles. À l'époque, Welles sort d'un buzz monumental, son adaptation radio de La Guerre des Mondes qui a fait paniquer des milliers d'Américains. Hollywood lui dit alors « Tiens, voici un studio, fais ce que tu veux. Résultat, il crée ce que plusieurs pensent être le plus grand film de tous les temps. L'histoire est centrée sur Charles Foster Kane, un mania de la presse, un homme immensément riche, immensément influent et pourtant terriblement seul. Le film commence par sa mort. Ce n'est pas un spoiler, c'est la première scène. Kane laisse derrière lui un seul mot, Rosebud. Et le film entier devient une enquête pour comprendre ce que ce mot mystérieux signifie. Pour se mettre un peu dans l'ambiance, écoutons le début de ce film. On voit la caméra suivre une clôture massive que l'on ne peut franchir. Sur un panneau est écrit « Ne pas traverser ». Au loin, une demeure luxueuse, imposante, presque intimidante. Lorsque la caméra dépasse enfin la clôture et nous emmène à l'intérieur, dès la première scène, un homme meurt et prononce ce mot énigmatique. Rosebud. Rosebud. Mais qu'est-ce que Rosebud? C'est le traîneau de son enfance, symbole de son innocence perdue, de ce qu'il a été avant l'argent, avant le pouvoir et avant la solitude. Donc, tout au long du film, Kane accumule richesse et influence, mais il ne retrouvera jamais ce qui compte vraiment. Rosebud devient alors un symbole parfait du regret et de l'enfance perdue. Et voilà, Citizen Kane, ce vieux rouleau qui a traversé plus de 80 ans, sans, à mon avis, être le meilleur film de tous les temps, reste quand même un bon film de cette époque. Your complete attention! Pour la première fois en Blu-ray. Is that really your idea of how to run a newspaper? I don't know how to run a newspaper, Mr. Fletch. I just try everything I can think of. Et le meilleur film par l'American Film Institute. I make no campaign promises. Citizen Kane. You talk about the people as though you own them. Toast, Jedediah, to love on my terms. L'édition collector avec un livre exclusif de 85 pages. Rosebud. Mr. Kane was a man who got everything he wanted and then lost it. Might find out about Rosebud. Maybe Rosebud was something he couldn't get or something he lost. Citizen Kane. L'édition prestige 100e anniversaire d'Orson Welles en Blu-ray et DVD. Maintenant, je vous parle d'un film que j'ai bien aimé, un film qui est un peu plus dans mes cordes que Citizen Kane. C'est un film que j'ai vu deux fois. C'est le film 12 hommes en colère. Un film qui n'a pas besoin d'effets spéciaux ni de décors gigantesques. Juste 12 hommes, une salle étouffante et un verdict à rendre. 12 hommes en colère est sorti en 1957. C'est le genre de film qui prouve qu'un huis clos peut être plus intense que bien des batailles spatiales, même si je dois dire que je préfère les batailles spatiales. L'histoire, 12 jurés doivent décider du sort d'un jeune homme accusé de meurtre. Au début, tout semble joué d'avance, on le croit coupable, mais un seul juré, le fameux juré numéro 8, interprété par Henry Fonda, ose dire « je ne suis pas sûr ». Et là, tout bascule. Les certitudes se fissurent, les tensions montent, les voix s'élèvent. Le film devient un véritable jeu d'échecs psychologiques où chaque juré révèle ses préjugés, ses peurs et un peu de son humanité. Ce qui frappe encore aujourd'hui, c'est la puissance du dialogue. On pourrait même fermer les yeux et juste écouter, on aurait l'impression d'assister à une pièce de théâtre radiophonique. Et puis, techniquement, c'est un petit bijou. Des plans de plus en plus serrés à mesure que la tension grimpe. Une chaleur presque palpable. On finit par se sentir coincé dans cette salle avec eux, à voter, revoter, douter, transpirer. Bref, ça c'est un classique du cinéma américain. Un film qui rappelle qu'une seule personne armée de calme et de logique peut faire basculer tout un groupe. Et surtout, qu'un doute raisonnable peut sauver une vie. Votons, puis ensuite on pourra peut-être s'en aller. Oui, d'accord. Alors, je crois que tous ici, enfin, vous savez tous que c'est un meurtre que nous avons à juger et que si nous reconnaissons que l'accusé est coupable, nous l'enverrons à la chaise électrique. Ainsi le veut la loi. Aucun de nous ne l'ignore. Oui, tâchons de faire le point. Ouais, ça semble indiqué. D'accord. Quelqu'un est-il contre le vote? Moi, je suis pour. Moi aussi. Pas vous? Entendu. Alors, surtout, souvenez-vous que nous devons avoir 12 voix sur 12, quel que soit le vote. Et c'est la loi. Vous y êtes, messieurs? Que ceux qui votent coupables veuillent lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, 11 ont voté coupables. Qui vote non coupable? Un seul, merci. 11 coupables contre un non coupable. Eh bien, nous savons à quoi nous en tenir. Bon sang, c'est toujours comme ça. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous expliquer. Bon sang, bon sang. Alors, vous croyez qu'il est innocent? Je n'en sais rien. Et vous avez assisté au procès comme nous tous, vous savez que c'est un assassin dangereux, c'est évident. Il a 18 ans. Mais l'âge n'a rien à voir. Nous savons qu'il a frappé son père d'un coup de couteau au cœur. Ça a été prouvé devant la cour de 12 façons différentes. Voulez-vous que je vous les énumère? Non. Enfin, que voulez-vous? Je veux seulement en discuter. Mais discuter de quoi, bon Dieu? On est 11 à le croire coupable. Aucun de nous ne discute la chose, si ce n'est vous. J'ai quelque chose à vous demander. Croyez-vous à ce qu'il raconte? Je ne sais pas si j'y crois ou non. Je pense que non. Alors comment votez-vous contre nous? Tout le monde votait coupable, alors j'ai trouvé assez difficile de lever la main et d'envoyer ce gosse à la mort sans en discuter auparavant. Mais qui a dit que c'était facile? Personne. Bon, vous pensez que j'ai voté vite? Ben, je crois que ce garçon est coupable. Je changerai pas d'avis, discuteriez-vous pendant 100 ans. Qui parle de vous faire changer d'avis? Ai-je dit ça? C'est la vie d'un homme qui se trouve en jeu ici. Comment pouvez-vous en décider en 3 minutes? Supposez qu'on fasse erreur. Qu'on fasse erreur. Supposez que cette bâtisse s'écroule. Mais on peut tout supposer dans la vie, n'importe quoi. C'est vrai. Mais c'est pas une question de temps. Supposons qu'on se décide en 5 minutes et après. Accordons-nous 1 heure. Le championnat ne commence qu'à 8 heures du soir. Quelqu'un a-t-il un mot à dire? J'accepte de rester là pendant 1 heure. Ça, c'est chic. J'ai entendu une bonne histoire hier soir. C'était nous ne sommes pas ici pour ça. Voilà, 12 hommes en colère, un film qui a une durée de 1h35. Si vous pouvez mettre la main dessus, vous allez adorer. La version en anglais est disponible gratuitement sur archive.org. Maintenant, tournons-nous vers un genre de cinéma que j'apprécie encore plus, la comédie. Et là, on remonte une autre vieille bobine, mais beaucoup plus colorée au niveau des dialogues, beaucoup plus loufoque, un duo légendaire des gaffes impossibles et une momie pas très rassurante. On parle ici du film... Abbott et Costello, Denigo et la momie, c'est un film de 1955. À ce moment, on est dans l'âge d'or du burlesque américain, un humour simple, direct, presque cartoon, des mimiques, des quiproquos, des poursuites absurdes. Dans Denigo et la momie, nos deux compères se retrouvent évidemment au mauvais endroit, au mauvais moment, au fin fond de l'Égypte. Une momie disparaît, un trésor est convoité et eux, eh bien, ils veulent juste s'en aller vivants. Sauf que fuir discrètement, c'est pas vraiment leur spécialité. Le film mélange l'épouvante à l'ancienne, décors de pyramides, sarcophages poussiéreux, ombres inquiétantes, et ça fonctionne encore aujourd'hui juste parce que c'est naïf, rythmé, drôle, sans prétention. Un morceau de pure nostalgie, parfait pour le grenier pop, le genre de film qui nous fait simplement passer un bon moment sans devoir se casser la tête à essayer de comprendre. C'est là que le docteur habite. J'ai entendu que le docteur Zoomer disait qu'il cherchait 2 hommes pour accompagner sa momie aux États-Unis. Elle a donc peur de voyager toute seule? Elle? Cette momie est un homme. Eh bien, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Certaines momies sont des hommes et d'autres momies sont des femmes. C'est un drôle de pays. Qu'est-ce que tu as trouvé de drôle dans ce que je t'ai dit? Des momies. Des momies. La tienne était bien femme. Mais je n'ai jamais eu une momie. Alors pourquoi t'appelles ta petite amie ta petite momie? Qu'est-ce qui t'arrive? Je croyais que t'allais me donner une claque. Ah, ça, je t'ai prévenu de ne plus faire l'imbécile, hein? Ça, je te l'ai dit. Beaucoup des films d'Abbott et Costello se trouvent facilement sur YouTube en français. Je vois qu'il y a Denigo en Alaska, Denigo Légionnaire. Bref, il y a plusieurs de leurs films qui sont là. C'est facilement disponible. Vous pouvez vous lancer là-dedans dès ce soir. Des films qui s'écoutent aussi facilement que l'on croque dans des caramels mous. Et maintenant, on ouvre doucement le tiroir musical du grenier. Aujourd'hui, on retombe sur un petit bijou venu tout droit des années où le Québec vibrait au rythme du yéyé. Vous savez, cette époque où les groupes québécois reprenaient d'assaut les planchers de danse avec des guitares qui grincent un peu et une énergie complètement éclatée. Et parmi ces trésors, il y avait les Lutins, un groupe jeune, fougueux, un peu garage, un peu pop, qui a marqué toute une génération. Et dans leur coffre à surprise, il y a cette chanson au titre délicieux, mi-science-fiction, mi-fantaisie d'époque, comme si elle sortait d'un vieux film en noir et blanc où un robot maladroit débarque dans un salon kitsch des années 60. Voici Les Lutins avec Monsieur le Robot. Lorsque je l'ai vu dans la rue, il Monsieur le robot, ne pleurez pas trop. Monsieur le robot, ne pleurez pas trop. Monsieur le robot, ne pleurez pas trop. Monsieur le robot, ne pleurez pas trop. Lorsque je l'ai vu dans la rue, j'ai bien deviné. La pause musicale dans ce grenier pop où je vous parle cette semaine de vieux films en noir et blanc. Et là, on tombe sur un film qui est vraiment dans mes cordes. Faites sauter la banque avec le génial Louis de Funès. C'est un film que j'ai vu plusieurs fois. Chaque fois que je me relance à réécouter les films de cet acteur, c'est un film que j'apprécie de réécouter. Dans ce film, Victor Garnier, joué par Louis de Funès, petit commerçant tranquille, est floué par un banquier véreux. À la suite d'un mauvais placement, il se retrouve ruiné du jour au lendemain, plus un sou, un magasin au bord du gouffre, toute sa vie qui s'écroule. Et là, pas de geste dramatique, mais une idée complètement dingue. Victor, sa femme et leurs trois enfants décident de creuser un tunnel depuis leur sous-sol pour déboucher directement dans la salle des coffres de la banque. S'en suivent quiproquos, gags, imprévus, rocambolesques, un policier curieux, des cousins inopportuns, un stagiaire maladroit à la banque et des plans qui tombent en miettes. Ou presque. Et bien sûr, Louis de Funès nous livre toute sa palette de mimiques, de colère, de feux d'artifice comique, exactement ce qu'il sait si bien faire. Bref, on rit, on soupire, on devient complice du plus petit contre le système, et c'est ça, un film qui sent le vieux cinéma, celui des débrouillards, des gags un peu bricolés et des familles prêtes à tout pour sauver les leurs. Donc, on écoute un extrait de ce film. Je pense que c'est le meilleur bout de ce film. Le stagiaire à la banque, Philippe, est amoureux d'une des filles du marchand et il découvre alors qu'ils vont voler la banque, mais décide quand même que c'est le meilleur moment pour faire sa grande demande. Attention, maman. Bonsoir tout le monde. Oh, vous êtes presque arrivés au bout. C'est ta sortie qui rentre, toi. J'étais au cinéma. Avec Monique, je sais. Et sur le chemin du retour, j'ai rencontré Philippe. Ah. Trahi par sa propre fille. Bravo. C'est pas de ma faute, il m'a suivi. J'avais entendu un cri, je craignais que vous ne vous soyez fait mal. Excusez-moi de vous déranger. Non, mais pas du tout, vous êtes toujours le bienvenu chez nous. Nous venions justement vous demander si nous pouvions aller danser. Mais voilà, Mimi, allez, Mimi, vont danser. Allez, Mimi. Pardonnez-moi d'être indiscret, mais... Mais ce souterrain... Ah ben c'est... Hein? Une galerie de tir? Pour essayer les armes à feu. Oui, on va mettre une cible dans le fond là-bas. Mais si vous abattez le mur? on relie les deux caves à cause de la portée, tous les canons. Vous vendez des canons? Oui, des canons tigrelles, des... Allez vous amuser, allez danser. Allez danser, allez-y. Mais allez, mais allez! Mais vous faites ça tout seul? Nous sommes écrasés par les impôts. Un entrepreneur, ce serait la ruine. Nous devons songer à l'avenir de nos enfants. Hein? C'est admirable. Moi, monsieur Garnier, laissez-moi faire partie d'une telle famille. Ah non, pas tout de suite. Ah, laissez-moi. Non, vous allez vous salir. Vous allez vous salir. Oh, non, aucune importance. Je les tiens. Allez, j'arrive. Si vous ne venez pas, je vais me coucher. La chambre est forte. La chambre est forte. C'est pas la salle des coffres, papa. Tu t'es encore foutu dedans. La chambre forte. Les lingots. Le ciel est avec nous. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer. C'est pas possible, dites-moi que je rêve. Vous n'avez vraiment pas voulu. Enfin, Isabelle, ils n'ont pas tout leur sens, c'est de la folie. Mon petit, vous voici parvenu à un tournant de votre existence. Faites bien attention à ce que vous allez répondre. Êtes-vous pour ou contre nous? Monsieur Garnier, c'est inhumain ce que vous me demandez là. L'heure du choix a sonné, mon enfant. Oh, écoutez, je vous en conjure, renoncez à ce projet. J'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Alors montrez-vous digne de faire partie de la famille. C'est par ici qui même me suivent. Mais vous n'avez pas le droit, je vous en supplie, ressaisissez-vous. C'est du vol. Oui, mais c'est vous qui nous avez volé. Moi? À la banque, le directeur servit au même. Et si vous refusez de nous aider, vous vous faites son complice et nous n'avons plus rien à nous dire. Ah, les films de Louis de Funès, ils sont quasiment tous bons. Si le sujet n'avait pas été les films en noir et blanc, je vous aurais aussi parlé de son film L'Avare, un film tout aussi mémorable, mais en couleur. Un film que j'adore écouter quand je descends au Saguenay. La trame sonore est délicieuse et comme j'ai tellement vu ce film, les images me viennent automatiquement en tête. Donc, je peux me contenter d'écouter seulement la trame sonore en conduisant. Mais bon, c'est un autre sujet. Maintenant, pour revenir à notre concept des films en noir et blanc, un film d'un autre grand de l'humour. Jerry Lewis dans le film « L'increvable Jerry ». Dans ce film de 1962, Jerry Lewis incarne Lester March, un réparateur de poste de TV qui rêve de devenir détective privé. Il se retrouve alors mêlé à une histoire d'héritage improbable. Un industriel récemment disparu aurait abandonné un enfant à la naissance et c'est cet héritier qu'il faut retrouver. Bien sûr, avec Jerry Lewis, les choses ne se passent jamais comme prévu. Gags visuels, mimiques déjantées, le chaos est total et le rire garanti. C'est une comédie burlesque typique du cinéma noir et blanc des années 60, un mélange de mystère, d'absurde et d'humour physique, exactement le genre de film qui nous rappelle que le vieux cinéma peut être aussi drôle qu'inoubliable. Lester! Espèce d'idiot, tu n'es pas mort? Non, ça va très bien, monsieur Flint, si vous faites... Je m'excuse. Qu'est-ce que tu fiches là-haut? Bah, attendez un peu, mais c'était un petit incident. Attrapez-moi, oui, attends, vous voulez? Attends. Prenez-moi par les jambes. Les jambes, oui. Ah non, mais oui. Prenez le corps avec. Et parce que tout ça, ça va ensemble. Voulez-vous avancer un petit peu? Si vous... C'est ça. Ouais, attendez une petite seconde. Ça va. Eh bien, maintenant, s'il vous plaît, portez-moi. Mais c'est les genoux, c'est tout. Transportez-moi jusqu'au comptoir, sinon je vais tomber, moi. Attendez. Mais laissez-moi cette jambe, j'en ai besoin. Quelle jambe? Bah oui, les deux font la paire. Ah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'étais en train de réparer un téléviseur quand j'ai marché sur les pieds d'un transistor irascible et... C'était pas mon poste, au moins. Ah non, le vôtre est fini, il est parfait, il est encore meilleur qu'un neuf. Et ça fera 8,50 $ ce que vous me devrez, pièce comprise. 8,50 $? Qu'est-ce qu'il avait? Voilà, voyez-vous, votre démodulateur était presque mort, monsieur Flynn. Vous voyez, vous avez un transistor en série sur le balayeur de bande qui chante l'alimentation, ce qui vous restitue presque tout le volume. Et par le jeu de cet inverseur et des oreilles de lapin ou de tout autre animal à votre choix, il vous est facile de pousser et ensuite de tirer votre image à volonté, quelles que soient les interférences. Vous me suivez bien, le UHF a une résonance qui joue d'après la puissance de la charge des transistors. Vous voulez payer comptant ou par fret? Oui, j'ai compris, tais-toi. Est-ce que tu m'assures que l'image sera nette? Je vous assure que l'image sera nette. Non. Oui, j'ai dit non pour rire parce qu'elle sera meilleure que la réalité. Tenez, regardez cet écran, tous les visages deviendront jaunes et jolis. Vous allez voir, monsieur Flint. C'est pas une belle image, ça, hein, monsieur Flint? On peut pas faire mieux avec une tronche pareille. Et vous savez, pour 8,56 $ pièces comprises, c'est donné. Assez, fais-moi entendre le son. Ouais. Quelques nouvelles locales. Dans une semaine sera célébré le premier anniversaire du décès du roi de l'électronique, Charles P. Albright, bien souvent appelé le père de la télévision. Ah, il reste 16,75 $ pour la dernière réparation que vous avez faite. Oh, tu vas l'affirmer, je veux entendre ça. Oui, oui. Par testament, Fulbright, qui était multimilliardaire, a tout légué à son fils unique, Charles Junior, que l'on n'a jamais revu depuis que sa mère s'est enfuie avec le bébé qu'il était il y a 25 ans. Disons donc 16,75 pour cette vieille facture et 8,50, ça ne fait que 43. Écoutez ça. Je crois qu'il y a une légère erreur. Or, selon les termes du testament, si le jeune disparu n'est pas retrouvé au bout d'une année, à compter du jour du décès, l'héritage ira à la sœur d'Albright, mademoiselle Cecilia. La voici en compagnie de son notaire et fiancé Grégory DeWitt au cours de la conférence de presse qu'elle a donnée aujourd'hui. Chers amis, j'offre une récompense à toute personne, à quiconque parmi vous. Ramènerai ton bercail, mon cher neveu, perdu depuis si longtemps. Cette récompense, mes amis, sera de 100 000 $. Quoi? Elle a dit 100 000? Alors je retrouverai ce gosse. Je le retrouverai. Maintenant, pour la suite du Grenier Pop, on remonte loin. Très loin, jusqu'en 1927, une époque où le cinéma était encore muet, mais où l'imagination des réalisateurs n'avait pas de limite. Et c'est dans ce monde de vision futuriste que nous retrouvons le film Metropolis, le chef-d'œuvre de Fritz Lenz. Imaginez une ville immense, verticale, où les riches vivent dans d'immenses tours de verre et de métal, tandis que les ouvriers travaillent sous terre, dans le bruit et la fumée, pour faire tourner cette machine gigantesque. Dans ce monde, Fredor, le fils du maître de Metropolis, va découvrir la réalité des ouvriers et tomber amoureux de Maria, celle qui rêve d'un pont entre les classes sociales. Et puis, il y a le robot, le Maschinenmensch, cette figure métallique et humaine à la fois qui devient le symbole de la peur et du pouvoir. Son apparition a marqué l'histoire du cinéma, inspirant des générations de films de science-fiction de Blade Runner à Star Wars. Car pour ceux qui ont déjà vu ce robot de Metropolis, la ressemblance avec C-3PO est assez remarquable. Sinon, le style visuel de Metropolis est incroyable. Des décors monumentaux, des jeux d'ombre et de la lumière qui donnent à chaque scène un aspect presque surnaturel. À travers ces images, Fritz Lenz nous raconte une histoire intemporelle sur l'injustice sociale, l'espoir et le danger de la technologie lorsqu'elle est détournée. Même après presque un siècle, Metropolis reste une expérience fascinante. Et si vous avez l'occasion de le voir dans sa version restaurée, environ 2h30 d'un spectacle muet, mais pourtant plus vivant que jamais, vous comprendrez pourquoi ce film est un incontournable du cinéma mondial. Donc, pour ceux qui aimeraient le regarder sur YouTube, le film est disponible. Vous pouvez l'écouter en version allemande, anglaise, française ou peu importe votre choix. Comme c'est un film muet, ça ne change pas grand-chose. Et voilà, c'est notre plongée dans Metropolis, un film qui nous rappelle que même dans un monde de béton et d'acier, l'humanité peut trouver son chemin entre le cœur et la machine. Bon, pour ce film, je n'ai évidemment pas d'extrait à vous présenter. Les bandes-annonces des films muets, ce n'est pas très radiophonique. Mais sinon, comme on approche déjà de la fin d'émission, un petit mot sur nos films en noir et blanc du cinéma québécois. Je vous rappelle que plusieurs sont disponibles et ont été restaurés par le projet Éléphant. Ce projet, c'est quoi? Bien, Éléphant, mémoire du cinéma québécois, est une vaste entreprise philanthropique de Québécois destinée à numériser, restaurer, conserver et rendre accessible l'ensemble des longs-métrages de fiction du patrimoine cinématographique québécois. Il y a en date aujourd'hui, si je regarde sur leur site, 260 films restaurés en noir et blanc ou couleur qui sont disponibles en location pour une période de 48 heures pour 3,99 $. Je sais que je ne vous ai pas parlé de ces films québécois en noir et blanc au cours de l'émission, mais j'ai fait le tour sur le site de l'ONF et sur Éléphant et je n'avais vu aucun de ces films en noir et blanc. Donc, comme ce n'est pas ma force, voilà pourquoi je me suis attardé au cours de l'émission sur mon répertoire personnel. Et là, bon, on est en fin d'émission et j'aimerais vous rappeler notre Bingo Radio, qui est une des bonnes façons de nous encourager. C'est une des sources de financement de notre belle radio communautaire. Pour ceux qui aimeraient participer à ce bingo qui a lieu tous les dimanches de 13h à 15h, tous les détails sont sur le site de l'émission Bingo Radio, sur le site CIBL1015.ca. Tous les points de vente des cartes sont mentionnés sur le site. Donc, en jouant avec nous, vous courez la chance de gagner jusqu'à 1500 $ pour une carte PEN et plein d'autres prix pendant les 2 heures de ce bingo radio. Sur ce, bon début de vendredi. C'était Frédéric Lavoie pour votre émission du Grenier Pop. Le Grenier Pop, un rendez-vous curieux pour les rêveurs et les amoureux. Oh, pop, pop.